بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال العزيز الغفار ذو العز والجلال غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام وعلى آله والأصحاب، أما بعد. Les frères, les sœurs, bismillah, j'ai regroupé les paroles de grands savants de Al-Sunna wal-Jama'a et leur position sur le jugement de Al-Shia, Al-Rawafid. Donc, bismillah, on va voir les dires des grands savants et leur jugement sur Al-Shia, Al-Rawafid. Nabda'o, musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala, قال الأوزاعي رحمه الله، وهذا في الشرح لابن بطة: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. الأوزاعي رحمه الله يقول: celui qui insulte Abu Bakr al-Siddiq رضي الله عنه، il s'est apostasié et il est sorti de la religion et son sang est devenu licite. وعلى الحقيقة، si on regarde bien, les chiites ne sont pas rentrés dans l'islam pour qu'on puisse dire qu'ils sont apostats. فهم كفار أصليين. C'est des kuffars. C'est des mécréants. وقال مالك بن أنس رحمه الله الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وهذا كذلك في الشرح لابن بطة. Malik ibn Anas, il dit: celui qui insulte les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas de part dans l'islam. Il n'a pas de part dans l'islam. Wa qala Abdul Rahman ibn Mahdi rahimahullah: man qala rahimahullah ma fattashtu rafidiyan illa wajadtuhu zindiqa. Il a dit Abdul Rahman ibn Mahdi, wa wa min kibar al-muhadithin. Donc il a dit quoi? Il a dit: j'ai pas cherché, j'ai pas regardé un rafidi, j'ai pas trouvé un rafidi sans que je puisse trouver en lui un zandaka. Ou un zandaka, c'est pire que la perversité. C'est celui qui montre clairement sa mécréance. Et c'est un khabith. C'est un khabith. Et il a dit: j'ai pas trouvé un rafidi sans qu'il soit zindiq. Sans qu'il soit zindiq. Et Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, il dit que le zindiq, c'est celui qui montre sa grande hypocrisie. Celui qui montre sa grande hypocrisie. وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله الرافدي كافر وهذا في السير للذهبي. Donc عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله dans السير il a dit le rafidi est un kafir. وقال محمد بن يوسف رحمه الله ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. رواه الألكائي. Je trouve que le Rafidi ou le Jahmi sont des zanadika. Le Rafidi et le Jahmi, c'est des zanadika. وقال محمد بن يوسف كذلك وهذا في السنة للخلال. Il a dit: j'ai demandé à un homme sur le jugement de celui qui insulte Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il a dit: kafir. Il a dit: c'est un mécréant. قال يصلي عليه. قال لا. On lui a demandé: est-ce qu'on prie sur ce Rafidi? Il a dit non. وقال أبو عبيد أن الرافضة سابة ولا حق لهم في الفيء لأنهم على غير الإسلام. قال أبو عبيد que les Rafidi c'est des gens qui injurent et ils n'ont pas leur droit dans le fiء. C'est une forme de ghanima, de butin. لأنهم على غير الإسلام, car ils sont sur autre chose que l'islam. Ils sont sur une autre religion que l'islam. Ils ne sont pas musulmans. وقال أحمد بن يونس رحمه الله إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافدي فإنه عندي مرتد. وهذا للألكائي. Il a dit: on ne mange pas ce que les rafidites égorgent car ils sont des apostats. وقال بشر بن الحارث رحمه الله من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. بشر بن الحارث دي celui qui insulte les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام c'est un mécréant فهو كافر même s'il jeûne et il se prétend être musulman même s'il jeûne et se prétend être musulman. وقال عبد الله بن أحمد أي أحمد بن حنبل رحمه الله، سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أراه على الإسلام. وهذا في السنة للخلال. صديق عبد الله ابن أحمد ابن حنبل a demandé à son fils, à son père. Il a demandé à son père, est-ce que quel est le jugement de l'homme qui insulte les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Il a répondu à l'imam Ahmed. Imam Ahmed. Imam al-Mihna. Il a dit, je trouve qu'il est sur autre chose que l'islam. Ma arahu ala l'islam. Il n'est pas sur l'islam. وقال أبو بكر المروزي رحمه الله كذلك في السنة للخلال، سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهما، قال ما أراه على الإسلام. Je trouve qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas dans l'islam. وقال الإمام أحمد كذلك في السنة للخلال، من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافد. Celui qui insulte, c'est-à-dire les compagnons, j'ai peur pour lui, à la mécréance comme les rafidites. Puis il a dit, من شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نأمن أن يكون مرقا من الدين. Il a dit, celui qui insulte les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, on est peur pour lui qu'il soit sorti de la religion. Qu'il soit sorti de la religion. وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء page 286 حينما ذكر الرافضة قال ولقد كفروا من وجوه لأنه أبطلوا الشريعة بأسرها. Ils ont dit, ils sont tombés dans la mécréance à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés. Ils sont tombés dans la mécréance car ils ont rejeté, annulé la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. Ils l'ont annulé entièrement. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول ومن اقترن بسبه أن عليا إله أو أنه كان مع النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. لو ده الصارم المسلول ابن الشيخ ابن تيمية يجي celui qui insulte علي ou qui dit que علي est Dieu إله أو أنه أو il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام que Jibril s'est trompé en faisant descendre la révélation et que en vrai la révélation devrait être sur Ali et que Jibril s'est trompé, c'est lui qui dit ça. Il a dit Cheikh Islam Jamia c'est un kafir et celui qui s'abstient de faire son takfir il devient à son tour un kafir. وقال ابن رجب رحمه الله ولهذا تشبهت الرافضة باليهود في نحو 70 خصلة. وهذا في كتاب الحكم الجدير بالإذاعة. ابن رجب يجي كوا يجي للروافد للرافديت يرسمل aux juifs sur plus de 70 points. Au niveau ils ont des ressemblances qui dépassent les 70 ressemblances avec les juifs. وهم اصلا من اتباع عبد الله بن سبأ. وكذلك يقول الخميني لعنه الله ان من لازم معتقدنا ان لائمتنا منزله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخميني كالله المجيس il dit que dans notre croyance, c'est-à-dire le chiite dans notre croyance, nos imams, ils ont un statut que nul ange ne peut l'atteindre et que nul prophète ne peut l'avoir. C'est-à-dire leurs imams, ils ont un statut, aucun malek, aucun prophète peut l'avoir. ويقولون أحسن الحسنات هو لعن أبي بكر وعمر. Comme ça a été rapporté dans le livre de Khomeini, Tuhfatu al-Awam. Ils disent que la plus grande des récompenses, la plus grande des hasanat, c'est quoi chez eux? C'est maudire Abu Bakr wa Omar, radiallahu anhuma. Donc, هذا هو هذه هي عقيدة الروافد. وجاء في الكافي Elle est chiite. Ils disent aussi, si tu serres la main à un sunni, lave-toi les mains plus de 7 fois. Si le chiite, il dit, si tu touches, tu serres la main d'un sunni, lave-toi les mains plus de 7 fois. إذا صافحت أحدا من أهل السنة فاغسل يدك 7 مرات، فاغسل يدك 7 مرات. فهؤلاء هم الشيعة الخبثاء الروافد. ف on se demande comment les gens de Ahl Sunna al Jamaa ils disent nos frères chiites. Ils disent nos frères chiites. Regardez maintenant la coalition qu'il y a contre les sunnites. Les Rawafid, ils sont avec eux, que ce soit avec les Américains ou avec Salibin al-Yahoud. Comment peuvent-ils être affiliés à Al-Bayt et insulter les mères des croyants, Aïcha ou Hafsa radiallahu anha? Rafadou l'islam. Ils ont refusé. Wa Shia. C'est le monastère, ولكن الرافضة رفضت الإسلام بأسره. رفضت الإسلام. Elle a refusé l'islam entièrement. Donc, لهذا, فنقول أن الرافضة عوامهم وعلماؤهم هم كفار كفار كفار كفار ولا يجتمع المتناقضين. فنسأل الله عز وجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.